Bah oui, mais tu vois, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais t'étais où? Je suis passé tout près tout à l'heure. Ouais. Je suis rentré à la vraie mosquée. Ah, t'es rentré par le lieu de culte, en fait. Oui, exactement. D'accord. Et là, je parlais pas fort, puis la personne me voyait avec ça, donc je me sentais comme un intrus avec quelque chose. Comment dire, tu vois les errances. Oui, on voit, mais j'ai ri avec les sons. Oui, on peut pas aller plus. Et comment ça va? Bah bien. Excellent. Tu vois. Ah ouais. Tu vois. Non, mais je suis contente de te faire venir dans un lieu comme ça, parce que tu dois pas connaître. Non, c'est unique. Ah bah voilà, tu vois, ça te change du 19e et du 20e arrondissement. Ah, mais j'ai tout fait, les arrondissements. Ah. Mais c'est rare que je m'infiltre dans les cours comme ici. Bah oui. Non, c'est merveilleux. Pourquoi ici? De quoi? Pourquoi ici? Est-ce que tu viens souvent ici? Parce qu'en fait, j'aime bien en fait le cyclage et mon bus qui m'arrête là en fait. Ok. Donc, comme je t'expliquais, là. Alors, de bus en bus, c'est ça? Alors, ouais, tu marches pour un arrêt. Ouais, il faut un peu que je marche pour aller jusqu'au bus, mais après, c'est un endroit que j'adore et. Tu viens souvent ici? Non, je viens pas hyper souvent, mais disons que ça fait pas très longtemps que j'habite dans le sud parisien. Avant, j'habitais dans l'est parisien. Donc j'étais tout le temps fourré dans le 20e, dans le 19e, okay. etc. Je connais par cœur. 20e, Père Lachaise, tout ça. Ouais, voilà, enfin okay. Tout ce coin-là. Ah ouais. Et du coup, depuis que je vis ici, bah, je découvre d'autres choses en fait. Tu déménages pour découvrir ou tu déménages pour amoindrir ton coût de location? Ah non, j'ai aménagé parce que je vis avec mon chéri et on a un appart immense qu'on paye que dalle. Mais c'est pas ton chat là, c'est ton chéri. On n'est pas mariés. Ok, non, mais c'est pas ton chat. Mon chat? Oui, un chat, parce qu'il y a des gens qui appellent leur chat mon chéri. Ah ouais. Non, c'est pas mon chat, non. C'est lui qui est en collaboration voilà. Avec... Hier, j'ai rêvé que j'accouchais d'un chat. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, ok, mais on est dans un endroit culte, hein, tout peut arriver. Ah oui, t'as accouché d'un chat? Hier, j'ai rêvé que j'accouchais d'un chat, mais non, tu vois, c'est un être humain. C'est... Oui, ben là, ok. Est-ce que c'est ton premier? Ouais. Et puis? Et puis, après, je sais pas, je dois en faire 5. Oui, ok, tu veux peupler la France, là. Mais qu'est-ce que tu veux... C'est un garçon. Un garçon? Ouais. Il est déjà nommé, il est déjà... Ouais. Ouais, appelé Clément. Clément? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Hein, Clément? Non, mais c'est dans les noms actuels, hein, Clément, il fait partie des 5... Je sais pas. Oui? Non, je sais même pas. Ok. Bon, mais en fait, le truc, c'est que cette année, il n'y a que des garçons qui naissent à Paris. Pourquoi? Ah, je sais pas. C'est une concentration. Ah, c'est fou, il n'y a que des garçons. Puis t'es pauvre ou quand? Quoi? T'es pauvre ou quand? Oh, je suis ni pour ni contre, hein. Okay. Parce que tu sais ton enfant, donc c'est ben, voilà. Plus intelligent, il ne met pas au monde. Oh, il sera peut-être très con, hein. Oh non. Il sera peut-être très couillon, mais s'il sera comme il sera, j'espère surtout qu'il sera en bonne santé, tu vois. Ben, je crois pas qu'il soit... Ben, ça dépend des parents. Ouais, non, à la base, c'est des parents. Bien sûr, mais après, un enfant, il naît avec une personnalité, et ça, tu peux rien. Hein. Tu peux la modifier. Bien sûr, non, mais après, tu peux... Si Orange mécanique. Non, mais tu peux... Évidemment, l'éducation... Un enfant qui a eu de l'amour, de toute façon, c'est un peu la base, quoi. Enfin, l'amour, c'est tout dans la vie. Hein. Bah, oui. L'amour d'une mère et... Et est-ce que tu te sens, as-tu un petit côté maternel ou ça va se développer parce que ça vient pas avec la femme? Non, ça viendra comme ça viendra, tu vois, c'est comme pour tout. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est quand tu as des enfants ou... Non, mais mes copines ont eu des enfants, donc je jaune moins avec les copines que j'ai eues, mais plus avec les enfants. Donc je les garde, il y en a une qui a 19 ans. Il y en a une autre qui a 16 ans, c'est juste des filles, et une qui a 15 ans. Mais là, trois copines différentes. Mais je suis pas investigateur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que je suis pas vu comme un aide de loi. Je suis vu comme un copain, puis ils viennent chez moi, ils viennent bouffer, ils viennent faire ce qu'ils veulent, puis c'est ça. Libre à eux de rentrer ou de sortir, ils ont les clés. Ah oui, quand même. Ah oui, puis je reste avec une coloc, donc non, mais... Ah, c'est cool! Oui, moi j'ai aucun problème. Je suis resté en paix avec les enfants, mais pas avec les mamans. Les mamans de ces enfants-là, parce que Et puis toi, t'as une voiture qui t'a frôlé les cheveux, là, tu sens. Ah oui, non, mais ici, en fait, le truc, c'est que tu peux. Ici, bon, il va te proposer un thé, le garçon, enfin, tu prends des thés. Est-ce que je suis obligé de prendre un thé? Non, je pense pas que tu. Tu vas prendre. Tu bois pas de thé? Oui, oui, mais non, mais je vais boire quelque chose d'autre qu'un thé. Bah, il y a que du thé et des gâteaux. Ah, juste du thé? Ah, bah, je vais prendre un thé. Bon, bah, faut aller jusqu'au bout. Ok, bon, oui, bon, oui, on va. Mais, ouais. si tu veux pas prendre de thé, prends pas de thé, sinon moi j'en prendrais. Enfin, si t'as. Bah, là, tu viens d'en prendre. Ouais, j'en ai pris un, ouais. Et à quoi? Bah, thé à la menthe. C'est le thé traditionnel. Ah, c'est baiser. C'est la base. Ah, bah oui, c'est traditionnel. Ok, ok. Mais bois-tu souvent? Tu voulais boire une bière, c'est ça? Non, non, non, non, non, non, non, jus, quelque chose du genre, mais c'est pas grave. Mais sinon, tu peux prendre des gâteaux aussi. Enfin, oh, je sais pas oui, si... bah, je vais attendre, il doit venir ici, non? Oui, il vient, mais il vient là, il est là, le monsieur. Il viendra. Et toi, comment ça va? Bah, bien. T'es comédienne, t'es humoriste? Non. Non? Tu es quoi? Toi, tu me fais trop rire. Pourquoi? Non, mais vas-y, continue. Pourquoi tu me dis que je suis comédienne et humoriste? Ben, t'es humoriste avant tout. Non. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais de la musique. Attends, là, c'est vrai, c'est pas un gag? Non. Parce que quand je suis allé voir sur ton... parce qu'on est amis Facebook. Ben oui. Et sur une photo, tu fais la gueule. Ouais. Ok. Et là, je pensais que tu faisais... Parce que les gens faisaient des liens humoristiques avec toi. Ah non? Donc, bon, oui, il faisait des... Il te relançait sur ta photo. Puis ouais. Moi, je pensais que t'étais dans l'humour et non pas dans... Non. Ah, ok, t'es dans la musique. Eh ouais. Ok. As-tu un album? T'as-tu... Ben oui. Ok. Je t'en ai ramené un. Ok. Alors, tu sais quoi? C'est guitare-voix? Non, c'est pas guitare-voix. C'est... Non, mais en fait, l'album, je tire la gueule parce qu'il s'appelle Tête de Mule. Ok, oui. Donc c'était pour paraphraser. Ok, exactement, c'est cette photo-là que je vois sur ton... Enfin, sur le Facebook, c'est pas celle-là qu'il y a, c'en est une autre. Ok, non, mais elle fait partie de tes photos. Oui, peut-être. Ouais, elle faisait partie il y a pas si longtemps, ouais. Il y a peut-être 3 semaines. Mais en fait, la photo sur Facebook, c'est la même série de photos, mais c'est pas la même. Ok. Voilà. Et ton style de musique, c'est relié à quoi? C'est naturaliste, c'est surréaliste, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par naturaliste? Bah, la Fréhel. La quoi? Fréhel, la chanteuse Fréhel. Je vois pas. Des années 20, oui. Ah non, pas du tout, non, non. Bah non, ça c'est la chanson française. Ouais, j'aurais du mal. C'est à... drôle parce que tu sais pas vraiment comment qualifier. Bah non, mais non, mais ça c'est un truc très. Enfin, tu vois, c'est très. Comment dire C'est difficile de. Enfin, tu vois, c'est comme si on disait dans quel cadre toi tu te mets en tant que journaliste, tu vois. Je suis pas journaliste, moi. Ouais, ou en tant qu'intervieweur. Ah, mais t'es. Ou... Ok, c'est bien. Tu okay. vois. Ouais, mais... C'est difficile de te dire en fait, tu ouais. dis bah, c'est toi quoi, ouais. c'est toi avec ta manière de faire, avec bon bah moi c'est pareil, okay. mais c'est de la chanson française, dans le sens où à la base je suis pianiste. Ok, une formation classique? Non, pas du tout, non. Autodidacte? Ouais. À l'oreille? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et puis tu amènes la mélodie puis les paroles suivent par la suite, ou si t'as déjà le texte et tu... Non, en fait, d'abord c'est les accords au piano, une structure au piano, ensuite c'est la ligne de chant et ensuite c'est les textes. Oh, ok. Voilà. Okay. Alors tu vois déjà ta chanson se construire un peu voilà, comme une maison avec la base et ensuite c'est ça. Et est-ce que tes chansons sont en pointe de rock ou de pop ou de... De tout. Okay. Non mais sincèrement. Oh oui, c'est un amalgame de tout. C'est ça. Un amalgame de tout, et en plus les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui sont très ouverts musicalement et qui ont des univers musicaux très très différents. As-tu déjà fait partie d'un groupe? De manière anecdotique. Hein. Ok, ouais, mais amateur, c'est ça que tu veux dire. Hyper amateur, ouais. Okay. et c'est là que tu as fait tes classes, c'est là que tu as rencontré les musiciens, c'est là que tu as. Non, pas du tout, non. Non, non, en fait, j'ai joué pendant, 5 ans toute seule en piano-voix. Ok. Et pour cet album-là, je cherchais des gens avec qui bosser, et puis il se trouve que j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Ignatius. Et ah, ouais. Bon, c'est possible que tu le connaisses parce ouais. qu'il a fait, il a beaucoup roulé sa bosse. Okay. Et lui m'a fait rencontrer plein de musiciens. Mais avant lui, j'avais déjà bossé avec d'autres musiciens. On avait fait des essais, mais ça n'avait pas nécessairement abouti, quoi. Parce que les styles étaient différents. Parce que les styles étaient différents. Ah, tu t'es discuté avec mon accent, non? Parce que c'est toi qui as un accent. Donc, bah oui, je. Non, non, mais si tu comprends pas ce que je dis, n'hésite je pas. Je comprends. Il n'y a aucun problème. Hein. Bon ben, bah, non, mais c'est vrai que c'est rigolo là. Les... J'ai pas TV5, donc. France Inter, donc c'est ça. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre un thé. Un thé? Menthe. Je fais du thé. Copieuse. Merci. ça fait 4 jours. Je m'en occupe. Merci. Ça sent bon? Ah ouais? C'est ce que tu as pris tout à l'heure? Mais tu connais le thé à la menthe. Tu as déjà bu du thé à la menthe? J'ai jamais bu thé, je pense. C'est vrai? Non, limonade, thé. Non, limonade, oui, jus d'orange, oui. Bah, tu... Non, mais tu rigoles. Non, je suis pas un gâté. Café, oui, mais pas thé. Ah, tu vas voir. Je te jure. Non, mais je te crois. Ah, okay. Merci, bien. Merci. Ça, c'est... On doit donner un pour moi. Normalement, je sais pas si ça se fait ici, je pense pas. Ok, ok. Mais là, je vais essayer. C'est une première, là. Ben... Alors, comment on vit ça, là? Ouais, intensément. Intensément? Ouais, mais c'est chaud. Ben là, un thé, j'espère. Tu vas te brûler. Non, ça sent bon. Mais c'est le thé traditionnel, en fait. Est-ce qu'il est bon? Mais tout à l'heure, il n'était pas très sucré, mais parce que c'est très, très sucré, en fait. Amer? Amer. Non, bah, un peu, bah, tu verras. J'étais amer. Ouais, t'es... Amer, ouais, amer. C'est rigolo. Ben, c'est bien, c'est bien. Et on va parler d'accouchement, mais de l'album. Ben, ça... ben oui, parce que c'est la première fois que je fais un entretien avec une fille qui va accoucher dans les secondes. Ouais. Mais faites-en pas, j'ai déjà vécu l'accouchement. Ah. Donc, deux accouchements. Ah oui, quand même. Et un avortement. Donc, ah oui. Oh, je suis prêt à tout. Mais là, je pense que c'est plus un accouchement. Oui, ça va plus peut-être un accouchement. Oui, ben, sinon, bon, c'est, un peu c'est une autre histoire. Alors, tu as accouché en combien d'années de cet album-là? Oula, un petit paquet de temps. Et c'est le premier album? Non, c'est le deuxième. Le premier a été autoproduit, lui? Il est aussi autoproduit. Okay, okay. Et celui-là, il est autoproduit avec des gros moyens. Le premier, il est autoproduit avec des tout petits moyens. Avec tes moyens à toi, puis celui-là, c'est des c'est moyens? C'est aussi avec les moyens à que moi, tu veux? Mais ah ouais. On a trouvé beaucoup de partenaires en termes de subventions. Et okay. Puis, en fait, il a été autofinancé, notamment grâce à une grosse tournée que j'ai faite, qui a énormément bien marché, en fait, et qui a bien pas mal de fonds. Avec ton premier album, tu chantais tes... Non, avec le deuxième album, en fait, j'ai fait une tournée avec une caravane. Avec lui, là? Non. Ben, c'est le deuxième album. Ouais, mais en fait, avant la sortie de cet album-là, ouais. J'ai fait une tournée avec une caravane. Ok. T'as pas vu ces images-là sur le net? Parce que tu aurais pu... J'irai voir. Oui, non, mais ça vaut le détour. Ok. Et c'est une caravane qui a aménagé en scène de spectacle itinérante. Oui, je connais ça, oui. Et elle a été hyper bien réalisée, elle est très très jolie en fait, et ça a énormément plu au niveau des programmations. Okay. Et donc on a fait 20 000 km l'été dernier, 5 000 l'été d'avant, et en tout, il y a eu sur un an et demi, il y a eu une cinquantaine de dates en fait. Et voilà, et donc ça a été... Et c'est des spectacles de 150-200 personnes ou plus que... Ça dépend. Là, ça dépendait des villes en fait, parce qu'on est allé dans des petits villages comme on est allé dans des grandes villes, donc la jauge, elle dépendait de la ville où on était. Et ça a vachement, vachement, vachement bien marché. Et c'était une superbe expérience, un peu fatigante. Tu dormais dans cette... Des fois, okay. Des fois, pas toujours. Okay. Avec les musiciens, avec tout le monde? Non, parce que là, j'étais toute seule avec le régisseur technicien en fait. Ah, ok, c'était un album qui t'envoie. C'est piano-voix. Ah oui, amener le piano avec toi en tournée? Ouais, dans la caravane. Ok, mais c'est un piano électrique? Ou... bah oui, mais sinon okay. Ils se désaccordent. Ouais, c'est ouais, un ouais c'est ça exactement, mais tu te fous un accordeur ouais. Ouais, directement pour le... Ouais. Et donc voilà, et donc en fait cette tournée-là, elle m'a permis, plus les aides financières que j'ai eues, des du subventions. Du gouvernement ou... Ouais, c'est la DAMI, le FCM qui ont aidé le projet. Ok. Et voilà, et ça a permis de produire cet album-là avec des moyens... des vrais moyens professionnels, on va dire, avec tous les musiciens bien payés. Ah ouais, heureux de jouer parce qu'ils étaient payés. Oh oui, et puis pas seulement parce qu'ils étaient payés, mais en tout cas c'était une belle aventure. C'était une belle aventure humaine, musicale, difficile parce que c'est toujours douloureux les accouchements, justement. Peut-être que non, on verra. Peut-être que non, je pense qu'un accouchement humain c'est plus court en tout cas. Ça dure quelques heures de moins. Ah oui, oui, oui. Ou quelques années de moins, ça dépend, oui. Ouais, et voilà, et en tout, entre le début, l'écriture des chansons et la production finale, je sais pas, il a dû s'écouler bien de 3 ans quand même. Et cet album-là est sorti quand? Il est sorti en octobre. Ok. Il est sorti le 4 octobre. As-tu fait la promotion? Oh bah là, je fais plus. Il est très bon. Non mais est-ce qu'il est chaud? Non, ça va, c'est pas trop chaud. C'est bon ça? Ah oui, c'est bon. J'en boirai plus, mais c'est bon. T'en boiras plus? Non. T'aimes pas? Non, c'est bien, mais j'y retoucherai non. Ah, t'es entité en fait? Entité? Ben, mon entité, il aime pas les. Oui, je sais pas. Je vais y réfléchir, ok? J'ai encore deux dodos. Un dodo et demi. Il est sorti cette année. Donc, tu n'as pas pu faire beaucoup de promotions dues à ton état de future maman? Ben ouais. OK. Ouais, et cet été, j'avais 15 propositions de dates spontanées. que je, du coup j'ai pas pu assurer. Avec beaucoup de tristesse ou... Non, bah non, parce que c'est un choix aussi d'avoir un enfant, donc... Mais voilà. Là, après ton accouchement, tu vas faire des tournées ou tu veux t'en occuper ton enfant, te retirer un peu et... On va faire les deux. Faire les deux? Bah oui! Okay. Bébé, piano, biberon, bah, sein... Bébé, oui, tourner aussi, il y a un papa, hein, donc... Oui, merci, hein, c'est ça, oui. Donc voilà, donc on va gérer tout ça ensemble, et puis... Non, bah, l'été prochain, je repars en tournée avec la caravane, ça c'est certain. Ah, c'est officiel? Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, j'ai déjà les 15 dates qu'on m'a proposées cet été, elles vont a priori être décalées l'été prochain. Okay. Et puis là, ça sera un nouveau spectacle, on sera à 3. Est-ce que tu fais des monologues à travers tes... Ah, beaucoup, oui. Ok. Oui, oui, il y a un côté très humoristique, par contre. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a un côté... Mais je sais pas, parce que quand tu laisses des phrases sur ton Facebook, c'est toujours une blague, hein? C'est toujours quelque chose de... Moi? Soit piquant, soit... Oui, oui, oui, c'est rien de... On sent que tu es une fille qui aime bien les petites phrases provocantes. Ah bah oui, j'aime bien. Ah oui, bah oui. Mais j'aime bien jouer avec les mots surtout. Oui, oui, la métaphore. Mais... Ah oui, beaucoup. Ouais. Ah oui. Après, je pensais que tu étais humoristique. Non, mais... Humoriste ou dans le milieu humoristique. Non, mais après, en fait, de toute façon, quand t'es sur scène, t'es tout à la fois. Enfin, est-ce que tu prépares déjà tes petites blagues, tes petites... Ah oui, okay. Bien sûr. Bah, après, le truc, c'est que ce qu'il faut sur scène, notamment sur une tournée comme La Caravane, parce que c'est un spectacle de rue. De rue? Ok, ça joue en plein air. Okay. Mais je sais pas si ça se fait ça chez toi, mais ici le spectacle de rue, il est très populaire. En okay. Fait. Non, il y a ça ou pas? Il y a quelques années, il y avait une remorque. Ok. Une remorque. Ouais. Qui plaçait des musiciens sur la remorque. Ouais. Et ils se promenaient. Et ils s'arrêtaient à différents endroits et ils faisaient leur spectacle. Et après ça, le chauffeur embarquait. Et les musiciens restaient sur la remorque, ils repartaient à un autre endroit, ils refaisaient un autre spectacle. Voilà. Mais c'est quand même assez rare à Québec. Mais dans les petites villes, on en voit davantage. Oui, parce qu'en France, le spectacle... Mais ce que j'appelle spectacle de rue, c'est pas nécessairement le spectacle musical, en fait. Le spectacle de rue, c'est t'as énormément de compagnies de théâtre, de déambulation... Oui, oui, oui, de... mais ça, c'est à des moments, c'est soit un festival de théâtre, un festival de musique, comme là, actuellement, c'est le festival d'été de Québec. Alors, ouais. Donc, il y a le Off Festival, les chanteuses comme toi, ouais. Très peu connues, qui, à un moment donné, vont faire peut-être le festival d'été. Ouais. Et les noms, écoute, malheureusement, on est parti dans des délires. On a eu ZZ Top, c'est de la merde, là. ZZ Top, des gros noms. Oh, oui, excuse-moi, parce qu'avant ça, c'était... Je vais te raconter pourquoi. Parce que, alors, peut-être que t'aimes ZZ Top, là. Bon, pas plus ni moins, en fait. Hein. Tu dois aimer uniquement la barbe. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Voilà, c'est la barbe. Je rêve d'avoir la barbe. Oui, ben, une femme et la barbe. Une femme à barbe, c'est jamais vu. C'est pour ça que la femme fabuleuse sur la barbe. En tout cas, bref, tout ça pour dire que avant, on laissait la place aux chanteurs francophones. Donc, Lavillier avait une place prépondérante. Charlie Couture, que tu connais? Oui. Ben, imagine-toi qu'il y a 3 ans, au Festival d'été, il y avait sur une scène des Plaines d'Abraham, qui est la plus grande scène des Plaines d'Abraham, l'endroit où les Français sont venus... nous défendre, ils sont venus nous envahir également. Ça, c'est notre histoire, en 1534. Ben là, aujourd'hui, on fait plus de guerre, on fait de la chanson. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ben, c'est merveilleux. Et donc, c'était ZZ Top. Ouais. Et sur la petite scène en banlieue, près du Capitole, ça, c'est une scène intérieure, ils avaient dressé une scène extérieure à côté du Capitole, et c'était Charlie Couture. Donc, ZZ Top avait ramassé 15 000 personnes, Charlie Couture 12 personnes. Et à l'origine, le festival d'été, c'était oui, effectivement, le festival d'été était à l'origine pour glorifier la chanson francophone. Autant québécois, suisse, ouais. Sarcloret, tu connais Sarcloret? Sarcloret? Oui, un chanteur suisse. Sarcloret. Sarcloret. Non. Chanteur suisse. Sarcloret. Arnaud, tu connais Arnaud? Oui. Bon, Sarcloret et Arnaud sont à peu près de la même. Arnaud est belge, Sarcloret est suisse. Ouais. Donc, c'est de la musique un peu provocante. Un peu rugueuse. Rugueuse. Rugueuse, oui, perverse quelquefois. Donc c'est très bon, Sarcloret. Mm-hmm. En tout cas, à un moment donné, c'est. Puis, lui, ouais. Il fait sa propre étiquette. Sa propre étiquette? Étiquette de disque. Ah oui, d'accord. Il fonctionne avec sa propre étiquette. Donc, un peu, c'est les garçons bouchers de la Suisse. Est-ce que tu connais les garçons? Oui. Bon, mais les garçons bouchers ont fait les productions boucherie. Hein? Et donc, ils ont vécu avec ça. Et à l'époque, on laissait la place à ces chanteurs-là, à ces chanteurs-là. Aujourd'hui, c'est rendu Paul McCartney, ZZ Top, Supertramp. Ça ramène plus de monde. Les has-been, bref. Hein? Les has-been, les perdants, les gens qui ont... Ouais, bon, has-been, bah, ouais, Supertramp, has-been, c'est fini, mais... là. Oui, non, mais... ZZ Top, c'est fini. Bah, ça ramène du monde, quoi. Oui, les nostalgiques, les baby boomers. Mais c'était pas ça au début. C'était vraiment de faire la promotion des gens. Et là, dû à cette ampleur-là, il y a eu un festival off qui s'est greffé. Donc, c'est une place où tu pourrais te produire. Et quand tu... Non, incessamment, on ne sait pas. Parce qu'il y a le... Il y a un lien avec, la France, franco-québécois, OK? Ouais. Donc, c'est des artistes français qui s'en vont à Québec et des artistes québécois qui s'en vont en France. Et ça, c'est bien. Mm-hmm. Ça, c'est pété. Alors, c'est peut-être éventuellement ce qui peut arriver avec une entente franco-québécois. Ah oui, ça, c'est certain. Ben, ça doit être les... Comment ils appellent ça? Les bureaux... j'ai perdu le nom. Franco-québécois. Ouais. Non, c'est... oui, il y a ça, mais... Bon, c'est pas... Mais oui, de toute façon, ça, c'est des... C'est tout très institutionnel quand même. Ah oui, effectivement. Mais quand tu arrives là-bas, tu arrives en Reine, là, t'es pas, tu dors pas dans des auberges, tu dors dans des hôtels intéressants. Bah, j'imagine bien, mais c'est des gros festivals de toute façon. Donc, Oui, mais tu t'en vas en tournée aussi dans les petites régions, ça c'est bien, à Tadoussac. Ou Agnès Bell, est-ce que tu connais Agnès Bell? Mm-hmm. Bon, elle est revenue la semaine dernière de Tadoussac, qui est une belle... un très bel endroit. Et une fois que tu commences à être connu, ben il y a des gens qui vont te réclamer. Plus tu es réclamé, plus tu passes. C'est comme toute chose. Il faut se faire aimer. C'est comme ici, hein? Oui, oui. Mais ici, c'est parce que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de chanteuses. J'en ai rencontré des chanteuses. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteuses. Ah oui, et très peu seront... Mais ça dépend de la conviction, ça dépend. Tu penses que là, qu'en France, il y a plus de production que... Ben oui, parce que vous êtes plus nombreux. Ouais. Oui. Il y a combien de gens, il y a combien d'habitants À Québec, au Québec. Parce que là, il y a la francophonie au Québec. Là. Oui, mais justement, la francophonie au Québec, il y a combien d'habitants? Je sais pas. Je sais pas. Mais on est très peu nombreux. Si tu compares en France ou à Paris, c'est épouvantable, c'est incroyable. Ouais, c'est très grand, Paris. Ça, c'est sûr. Bon, alors, Québec, c'est peut-être un huitième de Paris. Ah oui? Ah oui. Ah, dans la francophonie, oh non, on est noyé dans un océan anglo-saxon. Ah oui, je pensais, je le voyais pas comme ça. Enfin, je suis jamais allée, mais... Tu voyais ça comment? Bah, je voyais ça comme une entité, enfin... veut devenir une entité aussi. Ouais, ouais, mais je pensais que c'était beaucoup plus grand en termes d'habitants. Francophone, tu parles? Ouais. Ben, c'est quand même assez grand dans la mesure où moi, je te considérais juste la ville de Québec, ma ville à moi. Oui. Mais il y a la ville et il y a la province de Québec. La province de Québec, ça inclut Montréal, Québec, Trois-Rivières, Chibougamau, Trois-Rivières, Natashquan. Et là, c'est pas francophone du tout? Oui, c'est francophone. Ah, bah. Mais ça, c'est au Québec. Oui? Moi, je te parle de ma ville, Québec. Oui. Voilà, c'est ça. Ville de Québec, c'est tout petit. Montréal est trois fois plus gros que Québec. D'accord. Okay. Ah oui, Montréal, c'est la. Si tu veux faire carrière, très souvent, les comédiens vont à Montréal parce que les studios sont là. Mm-mm. La télévision est là. Nous, on a une télévision, oui, mais le gouvernement est obligé de faire un quota. Donc, on fait des productions, mais c'est très minime. C'est presque ridicule. Mm-hmm. On va revenir à ton album. Qu'est-ce que tu voulais témoigner à toi? Pas juste à moi. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire à travers tes textes? Est-ce que tu te considères comme une chanteuse engagée ou au contraire? Bah oui et non, ça veut tout et rien dire, engagée. Pour moi, ça me dérange beaucoup l'idée de l'engagement. Enfin, engagement non, mais il y a beaucoup trop de chanteurs qui se disent engagés par. Parce que c'est un bon positionnement marketing. Ouais. Alors dans ce sens-là, non, je ne suis pas engagée, mais par contre, je suis fidèle à moi-même et à mes idées. Voilà. IE, c'est-à-dire? Mmh? IE, c'est-à-dire? C'est-à-dire. Ouais, ben je dis IE pour c'est-à-dire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le premier des engagements, c'est. Comment dire ça? C'est de se faire une promesse et de s'y tenir. Laquelle? Bah, qu'importe. Après. Mais la tienne sur cet album-là? Bah, moi, c'était rester indépendante. Et c'était de prouver que c'était possible en étant indépendant et de refuser certains compromis. Lesquels? Je supporte pas l'idée qu'on me dise ce que je dois faire, par exemple. Voilà, ou ce que je ne dois pas faire. Tu veux pas avoir de patron? Ah non, ça c'est clair. Voilà, c'est je refuse viscéralement d'être soumise à quiconque que ce soit, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas être sensible aux conseils des autres. Mais voilà, après,

tu vois. T'es trop honnête. Pour changer le monde. Ouais, t'es trop changer le monde. Quand t'es en politique, tu changes pas le monde. Ah si, t'as des politiques. Tu l'embrouilles. Bah, j'aurais été militante politique, j'aurais pas été dirigeante de politique. Gauche. De gauche. Ah bah oui. Ben oui, pour le changement et l'égalité. Est-ce que tu te considères comme une féministe? Non. Ça veut rien dire aujourd'hui, je trouve, le féminisme. Je me considère comme une... il faut être juste, c'est tout. Parce qu'il y a des causes... Enfin... C'est rigolo tout ce qui se passe avec Mister DSK, là. Oui. Parce que... j'ai aussi... Enfin... Il est évident qu'il y a des femmes qui subissent des crimes, des viols, et c'est un scandale. Et de tout temps, moi j'ai plein de gens autour de moi, même qui ont subi des viols, des agressions sexuelles, qui n'ont pas... Enfin, ça c'est une réalité, c'est un fait. Après, il y a aussi des choses dont on ne parle pas, c'est qu'il y a aussi plein de filles, et c'est vrai, qui usent de leur statut de femme pour détruire des hommes aussi. Mmh. Ça, on n'en parle jamais. Les femmes vendent. Non, mais c'est vrai. Mmh. Ah, oui. Et donc, moi je suis surtout pour l'égalité et pour la justice. Et pour le dialogue. Après. Oui, mais le dialogue, ça demande plus de travail, tandis que la séduction, c'est rapide, c'est le premier plan, c'est ce que tu me présentes. Tandis que la discussion, ben là, faut déjà être assis, il faut déjà avoir une ouverture, une attention, tandis que la séduction, tu passes dans la rue, ben, tu peux mitrailler quelqu'un. Puis oui, c'est mais bon, c'est dans ce sens-là que le féminisme, pour moi, c'est un peu déjà dépassé, en fait. OK. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est pour l'égalité. Oui, bah, quand je vois le respect. Quand je vois des hommes qui sont obligés de se battre pour avoir la garde de leur enfant alors qu'ils éduquent très bien leurs enfants, je trouve pas ça normal. OK. Les hommes ont autant... Bah, après, il y a aussi des hommes qui sont des salauds, mais aussi des femmes qui sont des salopes. Enfin, c'est... Le yin, ouais, tout le monde est bien, tout le monde est méchant. Non, mais bon, il faut... Relativiser. Oui. Mm. Enfin, en tout cas, aujourd'hui... Moi, en tant que femme, j'ai pas le sentiment d'être. J'ai le sentiment d'avoir mes forces et mes faiblesses, ma place dans la société autant qu'un homme. Voilà. J'ai pas le sentiment de devoir me battre. Ok, t'es pas dans un ring et t'es pas. Victorienne, tu te défends en tant qu'être humain et non pas en tant que femme. Exactement. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des causes. En tout cas, évidemment, je parle pour la France, l'Europe, évidemment, il y a des pays dans le monde où la situation de la femme est catastrophique. Ça, c'est évident. Mais je parle pour l'Europe. Ce que tu connais le mieux. Bah oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, ça me semblerait déplacé d'être féministe en France. Par contre, me battre pour l'égalité, point barre, quelle qu'elle soit. C'est pas seulement qu'une égalité homme-femme, c'est l'égalité tout court, riche-pauvre, ça vaut pour le monde entier, pour l'humanité entière, et voilà. Bref, en résumé, on peut dire que cet album-là, c'est un album humaniste, qui parle d'amour, qui parle de vie quotidienne. Oui, puis qui a été réalisé aussi dans des conditions humanistes, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment mis un point d'honneur à ce que tout le monde soit rémunéré. Bien rémunéré, convenablement rémunéré. Et qu'on travaille dans des conditions correctes, et voilà, quoi. Donc, c'était vraiment fondamental de faire ça. Est-ce que tu envisages un album concert, un album où on pourrait apprécier le côté live avec tes textes préparés entre les chansons? Pourquoi pas, mais j'ai fait beaucoup d'enregistrements live et en fait, ça, je suis jamais très contente en fait. Mais peut-être. Ou un DVD, quelqu'un qui filme et... Ouais, ça me plairait plus. Ouais. Mais pas sur un spectacle, sur une tournée. Ah oui, ok, intérieur, c'est tout. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'à l'extérieur, tu peux être, c'est moins dû à l'éclairage, dû à plein de choses, à la sono, c'est pas autant... Ouais, enfin, disons que ce qui est intéressant dans un DVD sur une tournée, c'est que ça raconte une histoire, en fait. Ok, oui, l'histoire de la tournée, l'histoire de... Ouais. Ça, pour moi, ça a plus d'intérêt ça que de montrer un spectacle. En direct, ouais. Bah, le spectacle le plus intéressant, c'est d'être dans la salle, quoi. Oui, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir... Non, bien sûr. Bon, après, à Paris, les gens ne se déplacent pas nécessairement au spectacle quand ils en ont l'occasion. Hein. Donc, bon. Ils préfèrent rester devant leur ordinateur. Alors... oui, sur Facebook, ben oui, c'est là. Quand on ne rencontre pas l'humain, c'est plus facile. Hein. On peut déconner. Ouais, c'est un peu dommage des fois. Oh, oui, oh, oui, c'est oui. Mais c'est rendu la réalité du 21e siècle. C'est ça. Et puis. Alors donc, toi, tu prépares en 2012 des spectacles que tu as annulés dû à ta maternité à venir, mais présente, parce qu'on peut pas dire autrement. Là, c'est sûr, j'accouche dans rien de temps. Mais lorsqu'on s'est rencontrés sur Facebook, tu m'avais dit que tu allais accoucher au mois de juillet, ouais. À début juillet. Ouais. Et c'est pas encore fait? Ben non. Alors, il est à terme? Ah, mais il bouge, là. Oui, j'espère. Mais... Il est à terme, ouais. Ben, c'est pour quand? Ben, c'est pour dans 2 semaines maximum, il est dehors. Deux semaines, OK. Mais en fait, c'est... Il est déjà à terme depuis 10 jours. OK. Mais maintenant, après, en fait, tu peux accoucher n'importe quand entre le 8e et le 9e mois, donc... Ouais. Il est en formation, prêt à... Ah, il est prêt à sortir. OK. Il grossit, là. Oui, c'est ça, il se rapproche. Ouais. Ah, non, mais c'est comme la fusée, il se rapproche vers la Terre, oui. Ben écoute, je te souhaite une très bonne vie de maman. Merci. Et j'espère que... Comment il va s'appeler ton petit bébé? Il va s'appeler Clément. Clément, j'espère que Clément sera heureux à entendre sa mère chanter. Est-ce que tu jouais du piano et tu chantais lorsque tu étais enceinte? Ben, très peu, en fait. Oh! Ouais, mais j'ai eu besoin d'autre chose. OK. Donc j'ai fait ce dont j'avais besoin. Mais es-tu le genre de fille à chanter en faisant le ménage? Ben non. Ah, tu chantonnes pas? Non, je suis pas ce genre de fille là. Quoi, t'es intérieure? Ouais, je suis très intérieure, ouais. OK. Puis en dehors de ça, ben là, t'es la fille qui se dévoile. Et... C'est pour ça qu'il faut que cette intériorité-là, en dehors des spectacles. C'est ça. Et une fois sur scène, là, pousser une autre fille. Ben, c'est ça. C'est le yin et le yang. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ben écoute, j'ai ramé de un au début, de deux pour te rencontrer, et en fait, on devait pas se rencontrer. À l'origine. Non, parce que j'avais prévu mes rencontres sur feuille, sur papier, avec vraiment des heures déjà préparées d'avance, et j'avais sorti, une feuille bio. Une feuille bio? Ben, la biographie de l'artiste que j'allais rencontrer. Ouais. Et comme on devait pas se rencontrer, j'avais pas de fiche bio. Ah. Et j'ai dit, ben, peu importe. J'aurais dû t'en ramener une. Non, mais normalement, je me prépare avant. Ben oui. Je fais la lecture une heure avant d'arriver. Bon, pour avoir l'air intelligent. C'est pour et là, j'avais pas l'air intelligent. C'est pas grave. Mais non, c'est le plaisir. Et surtout, c'est la rencontre que j'ai eue avec une nouvelle chanteuse. Mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est tu m'as... Oui. Enfin, moi, sur Facebook, je fais aucune demande d'amis, en fait. Enfin, t'es mon ami Facebook. Oui, mais donc c'est toi qui es venu me chercher. Oui. Parce que moi, je demande personne. Non. Donc, mais j'accepte tout le monde. Il y a longtemps, il y a à peu près un an. Oui, mais comment est-ce que t'es venu me trouver, alors, enfin, par rapport à quoi? OK. Je crois qu'on avait une amie chanteuse en commun. Ah, peut-être, je sais pas. Mm. Et moi non plus, mais c'est certainement quelque chose du genre. Une amie chanteuse en commun. Ben, tu regarderas. Pardon? Non, mais oui. Non, mais tu regarderas sur Facebook, là. Clique sur mon truc, là. Le nez de ce nez-là. Il est noir sur Facebook. Parce que c'est. J'ai filmé ça assez correct dans le studio. Et donc, j'avais mis la hausse du micro. C'est pas très hygiénique, mais faites pas ça à la maison. J'ai mis ça sur mon nez. Et donc, tu vas voir les liens qu'on a en commun. Je crois qu'on a 2-3 liens en commun. Et du coup, là, quand parce que tu viens tous les ans en France? Oui. Comme ça? Oui. Du 1er au 8. C'est du quoi? Du 1er juillet au 8. Mais en fait, les gens que tu rencontres, c'est des gens que tu connais pas nécessairement, en fait. Écoute, la moitié, je connais. Très bien, la moitié je connais très bien, un autre 25% que je connais très peu et une autre 25% que je connais pas du tout. Et que tu choisis par hasard? Je choisis pas par hasard, non, normalement là, si j'avais fait mon boulot parce qu'on devait... Avoir fait partie de mon horaire comme tout le monde au début de mon voyage, avant de quitter pour mon voyage, je fais une recherche, donc je regarde des vidéos, je me renseigne. Ouais. OK, je fais ma bio, mais là, comme tu n'étais pas cédulé. Comme tu n'étais pas? Cédulé sur ma liste. Ouais. Il n'y avait pas une cédule avec une heure précise à un endroit précis parce que tu m'avais laissé. Parce qu'il y avait quelque chose qui planait autour de la naissance du petit, donc j'ai dit on s'en prendra en 2012, moi je vois aucun problème, si ça se fait pas là, ça va se faire une autre année. Écoute, Jean-Claude Dreyfus, ça m'a pris 2 ans, il était en tournée à Avignon, à un moment donné je l'ai rencontré l'année dernière. Donc ça, les rencontres vont se faire, et ça je suis pas pressé, ça va se faire à un moment donné. Et là, le mec devant toi aurait été plus brillant, dans le sens que j'aurais vu le truc de la caravane, j'aurais visionné. les chansons, je les aurais écoutées, la biographie, je l'aurais sortie. C'est une autre type d'interview. Oui, oui, et c'est, écoute, ça fait partie des 10%. Ça m'est déjà arrivé deux fois. C'est rigolo. En 7 ans, oui, c'est rigolo. Mais là, à un moment donné, je vois le disque, et tu t'es humoriste, et là, je vois qu'il y a un disque dans la sacoche, j'ai beau. Oh. Okay. Mais j'ai récupéré. Alors, oui, mais quand tu m'as proposé qu'on se rencontre. Oui. Tu savais pas ce que je faisais non plus. Ben, je savais que tu étais dans le milieu artistique. Mais tu savais pas quoi? Oui, je croyais que tu étais humoriste à l'origine, dû à tes répliques Facebook, à ton côté corrosif, à ton double sens, à ta métaphore. J'ai dit, mais non, je n'avais pas fait le lien avec un album. Mais si, bien sûr, la rencontre avait été séduite, donc j'aurais été moins con avec le fait que... T'as pas été con, je te rassure. Non, mais en tout cas, ma recherche serait fait et donc je pourrais en savoir davantage sur ton cheminement, sur tes études, mais là, on l'a appris en direct. Ah oui. Et c'est merveilleux. Hey, j'espère de te voir à Québec. Ben écoute, moi j'aimerais bien venir, hein, mais bon, tu sais... Il n'y a pas de budget pour le moment. Hein? Il n'y a pas de budget pour le moment. Oh non, mais ou de tourneurs, surtout. Bah oui, voilà. Non, mais j'en ai eu des tourneurs, mais le truc, c'est que les tourneurs, ils prennent pas de risques, en fait, tu vois. Donc, finalement, tu tournes mieux sans tourneur qu'avec un tourneur. Mais dis-toi qu'à mon émission, il y a des gens qui tiennent des petites maisons de spectacle, des petites boîtes de spectacle, dont le Petit Champlain, sublime endroit, 250 places. Jacques Givin a déjà chanté là. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 4 ans, 250 places. C'est merveilleux. Spectacle de 5h30, Giselin, ma copine est enceinte. À peu près, là, elle avait 8 mois. Ouais. Après 3 heures, c'était merveilleux, mais elle n'était plus capable de rester assise. Donc, elle s'est levée et elle est restée le reste du spectacle. Puis Jean lui faisait toujours des blagues parce qu'elle était debout. Et c'était merveilleux. Donc, Arthur H. est passé là et je connais bien le type qui fait la programmation. Donc, peut-être qu'éventuellement, sur Petit Champlain. Puis ailleurs aussi, au Québec, il y a plein de... Ouais, mais après, c'est ce que je disais, c'est que c'est des tournées comme ça à l'étranger. Ça s'organise avec... comment ça s'appelle? Le bureau... j'ai perdu le nom. Enfin bon, bref. C'est un truc très connu, mais j'ai perdu le nom. Okay. Le bureau des exports, ou je sais plus trop quoi, qui aide à exporter, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que ces structures-là, elles sont prises d'assaut par les tourneurs. Gros tourneurs qui ont de l'influence, et c'est très politique, tout ça. Ouais. Et moi, je suis pas du tout là-dedans, et j'ai pas envie d'être là-dedans en plus, tu vois, donc... Tu fais des spectacles en Suisse et en Belgique? J'ai déjà joué en Suisse, en Belgique. Est-ce que j'ai déjà joué en Belgique? Non, j'ai joué en Allemagne par contre. En français, tu chantes en français? Ouais. Il y avait un petit comité francophone? Comment ça, un comité? Ben, en Allemagne, est-ce qu'il y avait un petit groupe francophone qui venait te voir parce que tu étais français? Non, mais c'est en Allemagne, j'ai joué plusieurs fois parce que c'est de hasard qui a fait que, en fait. Tu vois, c'est des programmateurs. Mais les Allemands, ils adorent la chanson francophone. Ben oui. Voilà, non, mais là c'est des hasards, tu vois. Mais non, mais c'est difficile parce que c'est beaucoup les grosses structures ou les gros tourneurs, tu vois, qui prennent toute ta place. Oui, en fait. Oui. Bon, je te dis, moi, la situation telle qu'elle est là aujourd'hui, elle me convient très bien parce que je suis complètement indépendante. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et. J'ai une petite question avant de quitter. Ah non, j'ai 10 questions à te poser aussi. Pfiou! Fait que j'allais quitter sans mes 10 questions. Et jamais partir sans mes 10 questions. Ben non. Mais avant, je vais parler de la photo parce que je regarde la photo et je regarde la fille. Est-ce que c'est une photo prise au lever? Ah, pas du tout, non. Et comment t'as pu faire cette photo-là? Parce qu'elle te ressemble pas du tout, hein? Ben ouais, mais tu vois, pourtant c'est moi. Oui, est-ce qu'il y a eu un travail Photoshop, non? Non, pas du tout. Je crois qu'elle a même pas été, elle a même pas été retouchée, cette photo. Peut-être légèrement noircie au niveau des yeux, mais... Mais pourquoi cette photo-là? Ben, parce qu'il fallait que... Il fallait paraffer, il fallait illustrer le propos. Ok. Non, mais c'est tout à fait particulier, c'est merveilleux. Ouais, mais l'intérêt d'une photo, c'est qu'elle interpelle. Oui. Ah oui, ben la preuve, on en parle. Tu vois, je serais comme ça, toute souriante et ça interpelle. Resplendissant, ben oui. Mais à l'intérieur, est-ce qu'on peut retrouver cette visage? Ben, de l'autre côté, tu vois, je souris. Oui, tu souris, mais tu as la tête penchée. Mais est-ce que à l'intérieur, il y a d'autres photos de toi? Oui. OK. Alors, j'ai 10 questions avant de nous quitter et je l'ai quitté sans mes 10 questions. C'est triste. Ça m'est arrivé la première rencontre avec Chloé Mons. Oui. Est-ce que tu connais Chloé Mons? On a même été dans un collectif commun. Chloé Mons. Ouais. Okay. Ah oui, on se connaît vraiment. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ben, j'ai manqué mes 10 questions. J'arrivais de Québec, donc c'était tout juste. Là. J'avais 2 heures entre le fait de débarquer à mon hôtel. Ben, elle a sorti son nouvel album, là. Elle a fait une date il y a 2 semaines à Paris. Exact. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Je sais pas, de l'huile d'olive. Ok, pourquoi? Parce que tu peux tout faire avec de l'huile d'olive. Ok. Ok, et tu aimes ce produit? Bah, c'est un produit qui est universel, qui est hyper efficace, qui te permet de faire plein de choses. Mais jamais boire une huile d'olive. Si tu bois de l'huile d'olive, c'est plein de vertus. Tu bois de l'huile d'olive J'ai eu bu de l'huile d'olive comme ça quand j'avais certains problèmes de santé, ouais. Ah, ok. Et tu peux t'en servir pour tout. Oui, si tu étais une ville. Une ville? Je sais pas, Berlin. Toi aussi, Berlin ouais. Enchanteresse, comme disait Noir Désir. Pourquoi Berlin? Parce que, en tout cas Berlin aujourd'hui me semble être une ville où il y a encore une vraie fraîcheur. Voilà. C'est là que tout se passe. Bah, c'est peut-être là qu'il y a encore des vrais, une vraie naïveté. La vraie création à l'état pur. Ouais, je crois. Ah oui. Mmh. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Hey, une langue, mais dit de façon bizarre. Ouais, une langue de bœuf, ça. Ah, Dreyfus a dit ça. Non, je serais allez, l'espagnol. Est-ce pourquoi? Parce que... Sensuel? Parce que c'est beau et que ça se parle partout dans le monde. Et tu parles espagnol? Oui. Ah oui? Bah, j'ai même des origines espagnoles. Oh, c'est merveilleux. Alors on sent un peu de chauvinisme. Ouais, mais je peux être le français aussi. Hein, parce tu que... parles français, anglais, espagnol? Ouais. Bon, d'où tu pourrais être hôtesse? Non. Mais je parlais très bien il fut un temps, maintenant je parle beaucoup moins bien. Ok. Voilà. Je sais pas, hôtesse de l'air, on les appelle les agents de bord. Tu pourrais être agent de bord. Ouais, mais figure-toi que tout à l'heure en venant. Bon, une autre affaire, j'ai rêvé au shop, là, une autre affaire. Vas-y. Non, j'ai croisé une hôtesse de l'air et je me suis dit, j'aurais non, dû non, faire hôtesse c'est plus hôtesse de l'air, j'ai repris ça. C'est agent de bord. Alors, j'ai croisé une agent de bord. Ok, parce que si tu dis hôtesse de l'air, c'est mal vu aujourd'hui en 2000. Ok, ouais, un agent de bord que tu connaissais? Non, pas du tout. En prenant le bus, en venant te voir, j'ai croisé donc une agent de bord. Oui. Et je me suis dit, ah, j'aurais adoré faire ce métier. Hey, le chat et l'agent de bord. Ouais. Bon, ok. C'est quand même troublant. Tu vois, c'est comme l'histoire du chat. Oh oui, c'est ça, le chat et l'agent de bord. Ouais. En tout cas, on vit un moment étrange. Là, ouais, mais tu sais, il y a 2 nuits, j'ai fait des rêves prémonitoires toute la nuit, en fait. Que je cherchais une chanteuse humoriste. Non, ça n'avait rien à voir avec toi, mais okay. C'est la nuit avant la nuit du chat. Oui. J'ai rêvé de plusieurs personnes et ces plusieurs personnes m'ont contacté dans la journée de manière complètement improbable. Tu vois, c'est la maternité, ça rend... Non, mais là, comment tu vois ça? T'es pas dérangé? Dans le sens de... Mais... Ben, c'est le 6e sens de la grossesse, ça doit être ça. Bon, mais moi, j'ai pas de grossesse, j'ai parlé de chat, j'ai parlé d'hôtesse... C'est moi qui fais le lien, mais tu m'aurais parlé de chien, je t'aurais trouvé un autre lien. Ah, tu crois que c'est les liens que tu fais qui font en sorte que... Oh! Non, je pensais que c'était le thé à la mangue. Ça doit être ça. Ah, ça fait tourner la tête. Ouais. Si tu étais une époque... Une époque? T'es drôle. Parce que tu brises tout. Là, je parle des chats, hein, okay, vas-y. Je sais pas, à l'époque... j'irais 2000... 2010-2020. Voilà, les 10 années à venir, parce que je vais découvrir ce que c'est que des mères d'enfants. Oui. Qui est le sien. Oui, et l'adolescence, mais avant l'adolescence, c'est ça, voilà. Le petit classique, tout ça. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Oui, ah, positif. Ah, on voit la fille qui a cheminé, qui est toujours positive. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce que c'est un mot qu'on va comprendre partout dans le monde et qui a une utilité aussi universelle. Oui. Si tu étais un aliment. Un aliment? Pas l'huile d'olive? Je disais à l'origine un aliment. Puis personne ne comprenait un aliment. Donc j'ai modifié mon aliment pour mon aliment. Un aliment? Oui, mais je disais aliment. Un animal? Non, je disais aliment, mais au lieu de dire aliment. Oui, mais on comprend quand même. Ouais, mais pas vraiment, je devais recommencer. Bon, alors l'huile d'olive. Bah pareil. Bon. Alors on va voir la première question. Si tu étais une saison. Une quoi? Une saison. Une saison? Bah l'été. Pourquoi? parce que ça donne beaucoup d'énergie et que les gens sont dans une dynamique positive. Ben, vacancière aussi, hein, quand vous êtes en vacances. Même, même s'il n'y a pas de vacances. Ok, à cause du soleil, à cause des oiseaux qu'on entend. Les hormones. Les hormones? Ouais. Ok, féminine. Ah, tout court, les hormones, tout court. Sont magiques. Grâce à l'huile d'olive. Oui, voilà. À l'huile d'olive, ça ramène un peu. Si tu étais un membre corporel. Membre corporel. Bah, j'en ai pas 15 000. Non. Bah, un bras. Un bras? Non. Non, plutôt une jambe. Une jambe. Pourquoi la jambe? Enfin, mais le problème, c'est qu'il faut mes deux jambes. Oui, ben oui, c'est non. Ah, pour pouvoir bouger, pour être libre. Ok. Le fauteuil roulant, non? Non, tu vas incliner d'avoir une péridurale bientôt, ça m'angoisse à l'idée de ne pas pouvoir utiliser mes jambes. Ah, parce que jambes. Tu ne vas pas naturellement? T'as 80, je sais plus quel est le taux, 98% des femmes qui accouchent par péridurale. Ouais, change d'idée assez vite. Voulait naturellement, puis après avoir souffert quelques minutes, là, c'est fini. Bah, si j'ai pas de péridurale, j'aurai pas de péridurale, mais si je peux en profiter, je dirais pas non. Mais tu peux accoucher comme un chat aussi. Je peux accoucher comme un chat, certes, mais ça tombe bien, je suis pas un chat. Sauf que t'aurais rêvé à ça. Si tu étais, j'ai dit le membre, si tu étais à un moment de la journée. À un moment de la journée. Alors là, tu vois, là, je bute, là, hein, c'est terrible. Prends ton temps. À un moment de la journée. Écoute, je dirais le petit matin, mais le petit matin, je le vois jamais. 5h30? Quand, comme le soleil, quand le soleil se lève, mais je le vois jamais, ce moment-là. Pourquoi t'es couché là, tu dors? Parce que je suis lève tard. Mais j'adore ce moment de lever de soleil, mais je le vois jamais. Mais lève tard, c'est quelle heure? Voilà, moi, si je me laisse aller à mon rythme naturel, je suis debout à 10h30. Oh, alors là, c'est exceptionnel, voilà. Là, 11h30. Ah, c'était tôt ce matin pour okay, moi. Ok, ok. Ah, c'était très tôt. Ah, c'est pour ça que j'étais déçu, là, la couette était déjà préparée. Ouais. Ah, ouais, oui. Déjà. Si tu étais. Non, c'est surtout que j'avais d'autres trucs. Enfin, j'avais d'autres trucs que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait. Oh, c'est gentil. C'est pas grave. Et moi, j'ai ramé 20 minutes à faire le tour du. C'est pas grave, ça me fait plaisir d'être là. Ah, oui, t'es gentil. Alors, si tu étais un autre individu. Notre individu. Bah, c'est pas possible. Okay. Bah, à la fois, c'est pas non plus possible que je sois un aliment. Remarque, si je suis un aliment, oui. Finalement, si j'étais un aliment, bah, je serais un être humain. Okay. Pour un lion. Pour un lion, oui. Bah, là. Et si tu étais un autre individu? Si j'étais un autre individu? Ça marche pas? Non. Faudrait que je sois morte. Okay. Ben, je serais moins morte. Oui, mais tu te projettes pas à être comme. À être quelqu'un d'autre, non? Ok, alors, être toi-même. Bah oui. Alors, restez toi-même. Si j'étais quelqu'un d'autre, ben, je serais moi, mais dans 10 ans. Okay. Je serais nécessairement quelqu'un d'autre, mais je serais toujours moi. Oui. Mais autrement. Autrement. Ok, mais c'est toujours toi. Tu veux rester toi-même. Ouais. C'est l'authenticité. Bah, ça sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre. Bah, y en a plein hein, qui travaillent à être quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent se fuir. Donc, toi, tu fais partie de l'intégrité. Et cet album-là en témoigne. Voilà. Hey, c'est bien. Hein? T'as-tu vu la chatte? C'est merveilleux. Le professionnalisme. Alors, mais, hey, merci Anaïs d'être passée. Eh ben, en tout cas, c'est. Non, moi, d'être venu un jour avoir pu trouver, hein, ça s'est fait. Mais ça vaut le coup quand même, là. Pardon? Ça vaut le coup, regardez les figues qui poussent derrière, là. Ah, c'est merveilleux. Les figues, les olives. Ah oui, ça, c'est ton côté féminin. Hein.